Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, Jean Dujardin, excellent comme d'habitude. Cash est un arnaqueur. Charme, élégance, audace, il a tout, y compris le sens de la famille. Aussi, quand son grand frère est assassiné par un mauvais perdant, il décide de le venger à sa manière. Lui, c'est Cash. Champagne. Il a du charme, du talent, de l'audace. Est-ce que tu veux m'épouser ? Rien ni personne ne lui résiste. Mais c'est aussi un grand arnaqueur. Pourquoi tu gagnes toujours ? Ben parce qu'on joue de l'argent. Un vrai pro. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire le demeuré ou le client de service ? Ça va être une question de physique. C'est parti. Son seul problème, c'est qu'on peut parfois trouver plus fort que soi. Vous vous appelez vraiment Cash ? C'est un surnom que m'ont donné mes rivaux. Pour avoir des clientes aussi charmantes, vous ne pouvez pas être complètement dénué de talent. Jean Dujardin, Jean Reno, François Berléand, Valeria Golino et Alice Taglioni, Cash, un film d'Éric Bénard, un DVD TF1 Vidéo.